travaille fort pour qu'elle me pile. Mais ça, ça se contrôle pas. Mais j'ai l'impression de rater le deal. Mais ça, je veux pas. Ok, yo, t'es ma diamond girl, t'es la baby. T'es celle que je feel ici. Check sur le rap, me rendez qui va pas que je suis prête à partir d'ici. Tu veux m'envoler avec elle, j'irai voir le soleil. Si je pouvais partir d'ici, je partirais plus loin. Mais hey, hey, c'est pas mes labels. Parce que je vis dans mon monde là où je suis dur à rejoindre. Je vis dans mon monde où je suis dur à rejoindre. Lâche-moi un call, mon téléphone, je